Bonjour. Direct samedi le 15 octobre. Il n'y a personne. Bon, il n'y a personne. On va attendre un petit peu. Moi, j'aurais pu me peigner un petit peu là. Bon. Je manque de temps ces temps-ci. C'est plate un petit peu. Bonjour, Marine. Là, hier, j'ai passé une partie de ma soirée. Bon, au Canada, il semblerait que. Bonjour, Martin. La compagnie écossaise Baxter's qui faisait la bisco brandy que j'aime beaucoup, il n'y a plus moyen de trouver ma soupe. Je ne sais pas, ça commence mal le règne, ça, de Charles III. Moi, j'exige d'avoir ma soupe. Hein? Ça pourrait finir en insurrection. Dans le sens que, bon, ben là, comment ça se fait que la compagnie Baxter se distribue plus en Amérique du Nord? Une vieille compagnie comme ça qui fait de la bouillie de poisson depuis tellement longtemps. Bonjour, Martin. Christy, bonjour. Donc, bonjour, Martin, autre Martin, Martin Tifo. Donc, ben non, j'arrive plus à trouver. Ma soupe. J'arrive plus à trouver ma soupe, que je devais être tout seul qui achetait ça. Bon, la clientèle est peut-être décédée au cours des 25 dernières années, mais bon, ça veut dire que je ne sais pas là pourquoi je n'ai plus accès à ma bisque. J'ai plus accès à ma bisque au brandy. Je suis allé voir même sur Amazon aux États-Unis. Puis, il n'y en a pas. Et bon. C'est-tu ça les pénuries? J'ai regardé, je suis allé voir la compagnie en Écosse, puis elle fabrique encore, là, c'est encore produit. Bon, c'est pas correct ça là, là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voyons donc. Finalement, j'ai commandé, c'est de la chaudrée de hareng fumé de la même compagnie qui vient d'Écosse. Puis, bon, j'ai eu bien de la misère. Ça va me coûter 30 piastres la canne. C'est le fun, hein? Salut, je suis nouveau. Ah, Bob, bonjour, Bob. Bon, ça vous montre comment je suis un petit peu. J'ai des aspects superficiels. J'aime bien gros mon mode de vie. Puis, bon, je peux plus manger ma soupe au poisson que tout le monde trouve dégueulasse. Si jamais un jour j'ai des colocataires, au moins, bon, ben, c'est ce genre de choses, ça, t'achètes ça, puis t'es sûr que ton colocataire ou ta colocataire mangera pas ta nourriture. Bon, une bisque au brandy, intéressant, je connaissais pas. Ben, c'est la cuisine écossaise qui est des fois hasardeuse, mais ça peut aboutir à des résultats intéressants. Moi, j'aime beaucoup ces soupes-là, puis bon, c'est très soutenant. Puis c'est plein de. Je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. J'ai l'impression qu'ils raclent le fond de la mer puis qu'ils passent au broyeur. C'est ça que ça goûte. Bonjour, elle, l'oiseau moqueur, encore en punition une semaine. Je ne sais pas, là. Est-ce qu'ils donnent des raisons, YouTube, quand ils. Moi, j'ai été censuré une fois, mais ce n'était pas sur ma chaîne. Bonjour, Camille. Camille. Je suis allé. Ouais, ben, c'est long, moi, l'histoire d'affection pour la bouffe. Bon. J'ai allé en Nouvelle-Écosse, allé dans le Maine. Puis, bon, moi, quand je voyage, c'est surtout des voyages pour manger. Puis, je vais toujours me rappeler avec joie de ces voyages-là, au sens de, il y en avait du poisson au menu. Ah, bonjour, Chalienne, Jean-François, bonjour. Je suis curieux, l'oiseau moqueur, est-ce que quand ils t'ont puni, est-ce qu'ils te donnent des raisons? Est-ce qu'ils te donnent le motif? T'as sûrement pas eu de plainte de quelqu'un. J'ai de la misère. Ils me donnent pas toujours de raisons. Cette fois, ils ont jugé que j'étais inadéquat. Ben oui, mais c'est parce que c'est n'importe quoi, ça. Inadéquat. C'est comme quand quelqu'un veut pas se rendre un rendez-vous et dit, ben, je suis indisposé. Inadéquat. C'est vague, là. Ils font exprès. Au niveau juridique, là, Maintenant, là, avec les réseaux sociaux, puis toutes les. On est dans le flou, on est dans le vague. C'est pas un éditeur, YouTube. C'est une plateforme de diffusion, c'est pas un éditeur. Ouf, moi, ça me choque, là. Inadéquat. On est inadéquat dès qu'on souligne le fait qu'il y a des choses inadéquates. En tout cas, bon, c'est comme là, admettons là, que la compagnie Baxter's cesserait de distribuer ses soupes au Canada, je vais être pris pour écrire au roi, moi, là. Moi, dire, c'est inadéquat. 100% de ma vidéo était faite de portions de vidéos non censurées qui sont encore là. Ben oui. Ben là, ils ont recommencé, là, les médias, là. On voit qu'il s'en vient quelque chose parce qu'ils ont recommencé à tapocher sur des tatas, en essayant de faire croire au public que le monde qui sont pas d'accord ou qui contestent, ben c'est tout du monde de même. Là, ils ont recommencé dans le Journal de Montréal, là, ça recommence. Des articles là, pour dénigrer ce qu'ils appellent eux autres des complotistes, puis mettre tout le monde dans le même panier, puis. Je sais pas, là, vous avez vu ça, ils ont fait un article sur une fille qui était dans qui ramassait de l'argent par la chaîne d'Amélie Paul. Comment qu'elle s'appelle, donc? Je ne connais ça pas. Là, il sonne l'alarme, il a ramassé 60 000 piastres de dons. Et que c'est grave. Les gens qui sont pas d'accord, ou bien qui osent avoir de l'esprit critique, ce qui est sain. C'est comme ça que ça fonctionne une démocratie. Il faut qu'il y ait un débat, faut qu'il y ait. Bon. Ben non, ils sont en train de nous assimiler à des terroristes, dans le fond, du monde dangereux. Vous savez, imaginez, là, ça, mettons, là, que je me mettais, moi, à ramasser des dons. Bon, premièrement, j'aurais pas grand-chose, là. Puis, bon, à un moment donné, tu finis dans le journal, puis tu passes quasiment pour. Malgré qu'elle, bon, je la connais pas, là. N'était quoi, sauf stupide? Ben oui, ça nous fait ça, c'est des raisons qu'on donne. Quand on ne veut pas donner de raison, ça c'est bon matin, je réécouterai plus tard, je dois livrer un frigidaire. Bon, ben bon matin, Fergus. Ben, livrer un frigidaire. Ben, j'ai vu un autre article, c'est les frères Tadros, des histoires de cabanes là, avec des petites maisons. Pour vivre en autarcie avec une machine pour miner de la crypto-monnaie. C'est bizarre. C'est spécial. Ben oui, mais c'est parce que les vrais contestataires ou ceux qui ont réellement un discours cohérent vont être assimilés à ça. Puis oui, ça a l'air de des. C'est louche. C'est bizarre. Ça ressemble à. En tout cas. Je me rappelle à un moment donné, dans le temps, vous aviez le député belge Laurent Louis qui parlait du Bitcoin avant que ça explose, là, puis il expliquait, il dit, ça va, puis le monde il le traitait d'arnaqueur, puis ben oui, mais il avait raison, hein? Bon, ces gens-là sont là pour nous couper l'herbe sous le pied, c'est ce que je pense aussi. Parce que moi, je trouve pas ça. Regardez l'autre, la fille qui était chez Amélie Paul, là. C'est le rêve de Denise Bombardier dans le sens qu'elle est tellement pro-américain puis pro-Trump, puis en même temps adhérente à certaines idées que ça crée tous les amalgames qu'eux autres y aiment. Bon, c'est des nuisances, ce monde-là. Voyons donc. Bonjour, Virginie. Virgile. Ah, Virgile. Donc, bon, tout court. Ils recommencent. Là. Les journaux recommencent à être agressifs, puis il s'en vient quelque chose, c'est sûr. Ils préparent le terrain. Okay, bon. Question avant de partir, est-ce que l'émotion renferme la peur? Ou c'est la peur qui déclenche l'émotion? Ou les deux sont possibles? Moi, je vois la peur comme une émotion. Donc, Amélie Paul est une proche de Patrick Huard. Ah ouais, bon. Il y a un bonhomme que je connais qui a déjà acheté un appareil photo à Patrick Huard, puis il est allé chez eux. Puis il m'avait dit, c'est un gars bien normal, bien ordinaire. Il dit, oui, c'est du monde bien ordinaire. Moi, je les trouve bien ordinaires. Mais l'émotion qui déclenche l'avant de partir, est-ce que l'émotion renferme la peur ou la peur qui déclenche l'émotion? À mes yeux, la peur, c'est lié à de l'émotion. Je fais pas de différence. Très cocaïnomane, ben, dans ce milieu-là. La peur, c'est de l'émotion et en même temps une mécanique animale instinctive. Ouais, c'est un voyons comment est-ce qu'on appelle ça. C'est une congestion nerveuse. La peur animale, par exemple, ouais, c'est une congestion nerveuse. Comme un cerf que les phares d'une voiture sont braqués sur lui, il fige. C'est parce qu'il peut pas gérer l'information, il y a une congestion nerveuse. Puis les gens, c'est pareil. On voit ça dans des zones de guerre. Il y a du monde, il arrive un obus, puis les gens sont figés pour plusieurs secondes. C'est lié au système nerveux. Aussi, si vous jasez avec des policiers, là, quand vous défoncez une porte en criant police, vous avez un nombre très précis de secondes que vous pouvez agir. Les gens sont figés. Et c'est de la congestion nerveuse. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay? Quelle différence entre comprendre véritablement ce qui est dit ici et le voir réellement? Peut-être cette question est un peu oiseuse. C'est parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est dans un contexte particulier qui mêlait plein d'affaires, là. Entre autres, c'était un petit peu politique, on s'en sort pas, mais dans ce temps-là, le religieux puis le politique. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut le considérer comme une incarnation de principe à travers quelqu'un qui dit ça. Donc, bon, ça devient concernant l'entrée en rêve lucide, pourquoi ça nous balance? Pas en simple voyage astral. Parce qu'il faut que le corps astral soit bien développé. Puis ça n'a pas rapport avec la conscience. J'ai connu des gens que le corps astral était développé beaucoup à cause de pratiques, entre autres spirituelles, puis des années aussi à densifier ça, parce qu'il y avait une volonté, un désir de faire des voyages astrales. Puis le corps astral était très, très développé. Chez ces gens-là, ils sont capables de faire des voyages. Bon. Mais il y a d'autres affaires, c'est pas développé. OK, à plus tard, bonne journée tout le monde. Bon, ben, bonne journée, Fergus. Ben oui, les gens très spiritualisés, ils vont développer le corps astral. Puis, bon, c'est un, comment je pourrais dire ça? Il y a pas, c'est pas parce que vous pouvez pas, comme vous dites, comment l'entrée en rêve lucide, pourquoi ça ne nous balance pas en simple voyage astral? Parce que c'est pas le même phénomène. Le rêve lucide, puis le voyage, même si c'est lié, là, c'est pas le même phénomène. Le rêve lucide, c'est souvent accidentel. Souvent. Puis bon, c'était pas prévu. Tandis que le voyage astral, les gens qui en font, là, c'est plus prévu. Dans le sens, il se prépare, hein, puis bon. Mais le voyage astral, on est plus dans le voyage organisé. Puis, bon, le rêve lucide, on est quasiment dans l'accident. Dans l'accident. Bonjour, chat, je suis un peu en retard. Ben, c'est pas grave, je viens de commencer. Ça fait même pas 15 minutes. Bonjour, Isia. J'ai eu un entretien avec David Lévesque, puis j'ai oublié de l'annoncer. Mais hier, j'étais occupé là, avec mon histoire de soupe. Puis finalement, bon, je vais peut-être faire une petite vidéo, je vais mettre le lien. Puis bon, bonjour STF. Voyons, c'est quoi cette image-là? OK. J'ai fait un rêve lucide de 30, j'ai vu apparaître chez des gens dont je sentais qu'ils étaient intrus dans mon rêve, un petit garçon, une femme. À mon réveil, mon cellulaire était dans mes mains. Ah! Ben souvent, dans les rêves, c'est des représentations du rêveur. C'est des représentations symboliques. La femme va souvent représenter l'âme, l'anima. L'enfant peut, comme c'est un garçon, ça peut représenter l'animus. Mais là, ça, c'est la psychologie analytique qui dit ça. Mais il reste qu'avec le temps, j'ai remarqué que oui, c'est, il semblerait, oui, il y a. Mais bon, l'affaire, le cellulaire, il m'est arrivé quelque chose, ça fait un bon bout de temps, ça. J'étais allé étudier dans une ville, puis j'avais 17-18 ans, puis c'était mon premier appartement. Puis je m'étais endormi sur mon divan avec la manette de télévision, puis c'était une manette que j'avais échappée par terre, puis il manquait la partie de boîtier pour qu'il recouvre les batteries. Puis je m'étais endormi avec ma manette de télévision, puis j'avais les batteries collées sur moi pendant que je dormais. Savez-vous ce qui m'a réveillé? J'étais en train de me brûler la hanche. Les batteries, pendant que je dormais, étaient devenues tellement chaudes qu'ils se sont mis à. Vous savez, là, quand l'acide sort, puis c'était brûlant, la manette est en train de fondre. Je n'ai jamais trop compris, là. C'est pour ça, des fois, dormir avec un cellulaire, je ne sais pas. Est-ce qu'une personne médiumnique peut avoir l'impression de traiter avec l'astral, mais au fond, elle traite avec le double sans s'en rendre compte? Oui, ça me dit que oui. Mais là, c'est parce que ça va être sous une couche de l'astral, le double. Donc, ça va se déformer. C'est un peu des fois, on reçoit des choses très intelligentes, notamment, ça essaie de parvenir à la conscience, notamment par les rêves. Faut que ça traverse une couche d'astral pour se rendre, puis là, ça se déforme. Puis ça prend toutes sortes de formes farfelues. C'était vraiment étrange. J'ai compris que j'étais en rêve lucide au moment où ça apparaissait et disparaissait. Ils avaient comme pas rapport dans mon rêve. Eh bien, ah, bonjour Didier. Moi, ben souvent, le rêve lucide va être déclenché par le fait qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire ou que des détails. Des détails qui font qu'on voit que c'est pas réel. Moi, souvent, le rêve lucide, ça va être déclenché quand il y a quelqu'un qui arrive puis qu'il n'y a pas d'affaire là, comme quelqu'un de mort. Donc, quand je suis en train de parler avec des gens, puis là, tout d'un coup, il arrive quelqu'un de décédé, j'allume que c'est un rêve, parce que, bon. John Delmotte, bonjour David. Ah, es-tu ici, David? D'habitude, la fin de semaine, c'est pas moi, David. Je n'ai plus de rêve conscient depuis longtemps. Bon, c'est pour ça qu'on parle de rêve lucide, plus que de rêve conscient, mais c'est des phases, des fois. Moi, ça a commencé quand j'étais enfant. Puis c'est rare, c'est devenu rare. Merci pour la vidéo sur le terme initiation solaire. Ah, ben de rien. Les gens voulaient que j'en parle. Puis là, je n'étais pas sûr d'être capable. Finalement, je me suis mis un soir à écrire là-dessus. Puis là, j'ai dit, OK, je vais être capable de le parler. Ça va. Bonjour. Non, OK, oui, ben oui. Donc, moi. Mais l'affaire, les rêves lucides. Il n'y a pas de quoi. Ça veut, c'est pas. Bonjour Bertel, je suis en voiture, alors j'écouterai plus tard. OK, bonjour. Vous savez, à un moment donné, moi, j'ai fait venir d'Allemagne un masque pour provoquer des rêves lucides. Puis j'en avais parlé à David. Puis David, il m'avait dit, ah, oh, tu pourrais faire une vidéo pour parler de ça. Puis je voulais pas. Puis je voulais pas en parler. Pourquoi? Ben parce que je voulais en faire une sorte de. Possiblement que je pensais que c'était possible peut-être d'en faire une forme d'arme tactique qu'on pourrait peut-être se servir d'état modifié de conscience pendant le sommeil pour accomplir des actes de guerre. Puis je m'étais dit, entre guillemets, là, je m'étais dit, c'est mieux de ne pas en parler pour des raisons tactiques. Puis pendant des semaines, j'ai fait des expériences avec. Puis bon, finalement, c'était pas assez concluant. Fait que bon, j'en ai jamais reparlé. Puis je l'ai là quelque part ici, là. Mais bon, il semblerait qu'il va falloir trouver d'autres façons. BDM disait, si tu entends dans ta tête que l'autobus arrivera à 10h31, mais qu'il arrive à 10h33, ça veut dire que l'information vient d'ailleurs et non du double, car le double ne se trompe jamais. Ouais, ben comme il peut y avoir des déformations, on dirait. Mais si le double est l'ultime joker, il va jouer avec nos nerfs, ben toujours. L'affaire, c'est que, bon, on a un système nerveux qui doit être éduqué. C'est pour ça, des fois, c'est arrivé que il y a des gens qui s'intéressaient à certaines choses, puis il y avait un grand enthousiasme, puis bon. Puis finalement, quand on arrive dans une étude pratique, puis que là, tout d'un coup, il y a des effets, ça marche, puis tout, bien, ce monde-là, il panique. Là, ils ont peur. C'est spécial. C'est vraiment spécial, mais c'est le système nerveux qui est pas. J'ai fait de la terreur nocturne toute mon enfance, genre de somnambulisme, yeux ouverts, et je parlais beaucoup. Les rêves étranges, la paralysie du sommeil, c'est vraiment par phase dans mon cas. Ouais, ben c'est des phases. C'est des phases dans l'année, souvent, mais dans la vie aussi. Mon père était comme ça. Quand il était enfant, puis il faisait du somnambulisme aussi, puis ses parents étaient obligés de lui courir après dans la maison. Pourtant, il était endormi. Puis il faisait des rêves, il rêvait, il faisait des rêves de poursuite qui étaient poursuivis par un taureau, des choses comme ça, puis il se mettait à courir partout. Puis mes grands-parents étaient obligés de lui courir après, puis de l'immobiliser, parce que c'était dangereux. Mais il m'avait expliqué, c'était dans des phases de stress puis d'incertitude. Donc, c'est le système nerveux, peut-être, qui, bon, des fois, il y a bonjour Novak, bonjour Getter et Facebook, même chose pour vous. Je ne sais pas c'est quoi Getter. Aucune idée. Moi, je n'ai pas de compte ailleurs que sur YouTube. J'ai eu Facebook, mais ça fait tellement longtemps. André de Steve, ça vous dit quelque chose? Non, il a écrit un livre, des gens, ils disent qu'il est tué. Ah, je sais pas c'est qui. André de Sèvres, ok. Une cousine rêve souvent de ma mère décédée. À chaque fois, ma mère lui dit, mais je ne suis pas morte. Ben, c'est typique ça. Mais là, ça peut être une forme liée à votre cousine, dans le sens que c'est son rapport à, bon, d'un autre cas, parce qu'habituellement, bon, si la personne est décédée depuis longtemps, normalement, à un moment donné, il n'y aura plus de contact. Mais ça peut être une représentation, c'est-à-dire une représentation archétypale. La mère, elle peut représenter l'animal en rêve. Ça arrive. Mais les morts, la plupart, ils vont dire qu'ils ne sont pas morts. C'est rare un mort qui dit qu'il est mort. C'est pas des cas, il y en a. Mais habituellement, le mort, il ne sait pas qu'il est mort. Puis il y a une sorte de déni. Donc, ça peut arriver, mais habituellement, quelqu'un qui est décédé depuis longtemps, il est supposé avoir une perte de contact. Donc, ça peut être une forme qui est utilisée. C'est difficile de donner un avis sans voir le contexte puis les détails. Mais habituellement, les morts, ça m'est arrivé justement des rêves lucides. Il apparaît quelqu'un de mort, puis je dis à la personne, je dis, bah, je suis en train de faire un rêve, mais je suis en train de me faire amener en bateau. Puis la personne me dit, comment ça? Ben, je dis, ben, t'es là. Une personne décédée devant moi. Puis la personne, je suis pas mort. Je dis, oui, t'es mort, je me rappelle quand, puis je me rappelle comment. Puis la personne, elle va s'astiner, je dis, ben non, je suis pas mort. Mais là, c'est parce que quand on a affaire à une mémoire du vivant, ben, je prends de plus en plus d'accidents d'entrer en rêve lucide. Dans mes rêves, souvent, je dis, ça n'a pas de sens et je me fâche en disant, je veux me réveiller. J'en ai marre de vos rêves pourris. Ben, habituellement, quelqu'un qui se conscientise va faire des rêves lucides plus. Si vous êtes plus conscient dans votre vie éveillée, vous allez être de plus en plus conscient pendant que vous dormez. Donc, c'est peut-être des phénomènes liés, là. Par moment, ne pas se reconnaître dans un miroir, sentir que c'est quelqu'un d'autre, très étrange, l'impression de passer dans une autre dimension. Ah oui, eh bien, ça peut être des troubles de la perception, là. Il y a des gens comme ça qui ont je me rappelle plus le nom de ce trouble-là. Même les gens, ils reconnaîtront plus leurs proches. Puis c'est pas à cause qu'il y a une perte de mémoire, c'est pas de l'Alzheimer, c'est pas. Ils reconnaissent plus leurs proches, il y a une sorte de connexion qui se fait plus, puis ils sont persuadés que leurs proches sont pas réels. Possiblement que ça peut être, on peut avoir quelque chose de semblable avec sa propre image. Ça ressemble à une forme de dissociation, là. C'est jamais bon signe, là, les troubles comme ça. Des fois, je vois la surprise sur le visage de la personne dans mon rêve quand je reprends conscience. Ouais, ça m'est arrivé, ça aussi. Même des fois, je suis avec plein de monde. Puis là, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a un détail qui ne va pas. Puis là, je me mets à crier, c'est un rêve, c'est toute de la merde, il n'y a rien de vrai. Puis là, tout le monde se retourne, tout surpris, puis je suis comme le casseux de partir, puis c'est pas long que ça change. C'est pas long que. Je me suis déjà regardé dans un miroir suffisamment longtemps, quand j'étais jeune, pour me mettre à avoir peur. C'est vraiment fucké, expérience intéressante. Ah oui, mais comment que la peur se manifeste? J'ai un souvenir quand j'avais peut-être 5 ans. Je me faisais garder chez un couple. Puis, il y avait un grand miroir dans l'entrée, un miroir de hall d'entrée. Puis, j'allais devant le miroir, puis je m'amusais à faire passer mes pupilles comme ça, de gauche à droite, comme ça. Puis, je me souviens très bien que je me voyais dans le reflet, puis je voyais mes yeux faire ça. Mais je les voyais avec quoi? Quand on regarde à gauche, on voit à gauche. Quand on regarde à droite, on voit à droite. Puis, je me souviens très bien que je voyais en face de moi, puis je voyais mon reflet avec les yeux qui faisaient ça comme ça. J'ai jamais réussi à comprendre le phénomène par après. C'est dans des choses qui m'ont. J'ai fait d'autres expériences avec des miroirs, des affaires. Le monde, si je raconte ça, ils vont dire, ils vont se demander, ils vont dire soit c'est quelqu'un de très aventureux qui a les idées larges, soit c'est complètement fou. Mais j'ai été des fois, pendant des heures devant des miroirs, j'ai fait des expériences aussi de dormir, la tête entourée de miroirs, pour voir si ça avait un effet. J'ai eu des expériences. Je suis vraiment dépeigné. Au travail, une fille riait de moi et je lui ai spontanément dit, tu devrais faire attention car ton char ne partira pas quand tu vas partir. L'événement s'est produit, mais 30 minutes plus tard. Moi, ça peut être différentes choses, là. Ben, peut-être que vous avez, bon, on peut, je pense, moi, que la suggestion, ça peut agir même sur la matière. C'est-à-dire que ça va, il y a certains phénomènes par rapport à l'hypnose qui sont inexplicables. C'est-à-dire que vous pouvez suggestionner quelqu'un à faire en sorte que certains appareils autour de lui, il y a des dysfonctionnements. Puis, il n'y a jamais personne qui a réussi à apporter une explication à certains phénomènes. Au niveau de l'hypnose, qui est connue du grand public, il y a des choses qui ne sont pas connues. C'est-à-dire que à partir d'un certain état hypnotique, vous pouvez continuer à plonger encore la personne encore plus. Ça peut durer très longtemps, puis continuer à magnétiser de plus en plus la personne. Puis, finalement, la personne, elle peut atteindre un état qui est bien au-delà de le simple état de transe. C'est là que des phénomènes extrêmement étranges se produisent. Puis là, on est vraiment dans le paranormal. On est dans le paranormal dans le sens qui a été constaté par des universitaires. Puis, bon. Prenez Philippe le fantôme. Ça, c'est une expérience de l'Université de Toronto. Philippe le fantôme. Puis, une expérience qui a été faite, c'est des étudiants qui ont créé des phénomènes spirites à partir d'une entité inventée de toutes pièces qui s'est manifestée. Puis ils sont même allés sur un plateau de télévision pour en parler, puis ils sont mis à faire des démonstrations de spiritisme. Les phénomènes, c'était pour étudier les phénomènes au niveau d'universitaires. Puis ils ont produit des phénomènes de télékinésie en direct à la télévision. Puis ces expériences-là, Philippe le fantôme, ça a tout été filmé. Puis bon, je veux dire, les phénomènes ont été constatés, notamment par des neurologues, des physiciens, ainsi de suite. C'est dans le milieu universitaire. Puis personne n'en parle. Personne n'en parle de ces affaires-là. Tous nos grands génies, là, Elon Musk, là, puis comment il s'appelle, l'homme poisson, là. Bill Gates et compagnie, ça ne les intéresse pas, ces affaires-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais en tout cas, la parole crée une signature vibratoire et change l'atome et crée quelque chose. Oui, mais change l'atome, ça, je sais pas, peut-être en donnant une impulsion nouvelle, mais là, je change l'atome, je sais pas jusqu'où. Musk, les génies, ouais. Bon, c'est incroyable comment est-ce qu'on on est sous l'autorité de gens qui connaissent rien. Puis c'est des génies, c'est des génies. Ben, moi, qu'on m'explique le phénomène. Il y a certains phénomènes. Le parapsychologue Louis Bélanger à l'Université de Montréal, ils ont fait faire de la télékinésie à des enfants. Ils ont modifié la structure de filins de fer enfermés dans des bulles de verre sous vide. Puis c'était, je veux dire, c'est qu'on m'explique le phénomène. C'est bien plus important de comprendre ça que que d'envoyer des astuces satellites. Puis voyons là. En tout cas, pour quelqu'un d'hypersensible, la prise d'une drogue hallucinogène pourrait le poursuivre longtemps. Cela pour expliquer ses formes de dissociation. Oui. Oui. Même, on manque pas de cas d'études. On manque pas de cas d'études. Prenez au Québec, là, du monde comme Robert Charlebois, puis Louise Forestier, puis Louise Latraverse. Puis je pense que les drogues font encore effet. Puis je dis ça sérieusement, ils sont jamais totalement revenus de leur trip, eux autres. Puis ça se voit, puis ça paraît. Il y a quelque chose. Puis ces gens-là ont modifié leur psychisme, puis ça paraît. Puis moi, je les considère comme moins dans la réalité que quelqu'un quelqu'un de moyen. Prenez Louise Latraverse, je me souviens l'avoir vue en entrevue. Puis bon, ça se sent, hein? Ça se sent. Les modifications psychiques engendrées par des drogues hallucinogènes, ça dure sur le long terme, puis le monde ne s'en rend pas compte. Dans le sens, il va y avoir une altération de la perception. C'est pas parce que là, il n'y a plus d'effet psychédélique, puis tout, que vous n'êtes pas modifié au niveau de votre conscience, puis que ça ne va pas vous suivre toute votre vie. Comme. À un moment donné, j'ai eu une entrevue avec David Lévesque, puis le lendemain, bon, ben, j'ai des petits cheveux raides, des petits cheveux d'asiatique un peu, puis quand je suis dépeigné, ben, j'ai pas le choix de me. Faudrait que je reprenne ma douche pour me repeigner. Bon, je chialais un peu, je dis, ouais, j'étais dépeigné un petit peu, là. J'étais un petit peu décoiffé, puis tout. Mais pour quelqu'un comme Louise Latraverse, être peigné de même, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est artistique. Les maudits artistes. Ils nuisent. Les autres considèrent qu'ils ont ouvert l'esprit puis ils ont un mandat d'éduquer la population, leur ouvrir l'esprit. Puis, ouais, ouais. L'affaire, c'est qu'au niveau de certaines personnes qui ont pris des drogues, des fois, les drogues psychédéliques qui étaient à mode dans le temps, c'était pas de la petite bière. En tout cas, elle racontait, elle dit Robert Charlebois, il était tombé en amour avec une femme d'une publicité, puis il a passé genre 8 heures dans une fenêtre à regarder ça. Moi, je m'en vanterais pas des affaires de même. Vraiment, là. En tout cas, il reste que, bon, oui, ça peut perdurer. C'est clair qu'il va y avoir des modifications au niveau neurologique. Ça engendre des modifications neuropsychiques, puis ça perdure. Il y a du monde, ils ont fait. Sont allés en Amérique du Sud, là, pour. Bon. Après, ils voient des affaires. Et je ne suis pas sûr qu'ils font le lien. Puis, ils se rendent compte que c'est permanent. Certains effets sont permanents. En tout cas, j'ai bien de la misère avec. Les génies, ce sont des fous qui choisissent qui va être un génie. En tout cas, pas lui ni les autres, comme. Bill Gates, ouais. Ouais. Chez les artistes, il n'y a que le mot artiste qui reste, mais alors ils se sont envolés depuis longtemps, les artistes. Ouais. Est-il possible de corriger le tir au prix d'un certain effort quand c'est conscientisé? Ça ne dépend de quoi on parle, mais je veux dire, une fois qu'il y a eu certaines modifications, psychique, ben là, c'est d'apprendre à gérer ça puis de vivre avec. pas le choix, là. Il y en a une fille que je connais, elle a tellement pris de. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, là. Ça fait longtemps que je ne la croise plus. Mais elle a tellement pris de drogues chimiques. Elle est complètement fuckée, la fille. Puis elle est comme dans un autre. En deux plans, là. Quand tu parles avec, tu t'en rends compte. Je me souviens d'une dans une autre ville, je la regardais juste marcher sur la rue, puis comme ça marchait sur un nuage, elle était comme dans une espèce de rêve éveillé. C'est fort, ça. J'ai pas le temps de vous lire, Todd. C'est fort, ça. Puis finalement, moi, quand je l'avais vue dans le temps, j'étais avec quelqu'un, puis je la voyais sur la rue, puis elle disait spéciale. J'avais dit, elle a déjà un pied dans la mort, elle. On sent une force morbide, comme ça a été tiré vers la mort. Ben, pas longtemps après, cette femme-là s'est faite tuer. Elle a été retrouvée en morceaux dans un locker. Puis c'est un gars qui l'a tué. C'était une espèce de fou, une espèce de tueur en série que une de ses conjointes a disparu. On ne l'a jamais retrouvée. Elle avait une patte dans la mort. Puis en plus, les services sociaux la méprisaient. Une fois qu'elle est morte, là, ils ont pris une espèce de place pour les itinérants, là, pour aider les. Puis ils ont donné son nom. Ils ne voulaient rien savoir d'elle. Est-ce possible que l'intégration d'expériences ou la vue de programmes individuels puisse apporter des changements physiologiques ou la modification de certains problèmes de santé? Ben oui. Ben oui. Moi, je dirais que 90% des problèmes de santé sont d'origine psychosomatique. Puis, c'est pas mal terrible d'aller dire ça, là, mais c'est ce que je pense, sincèrement, là. Donc, ça dépend, là, c'est du cas par cas. C'est un peu la même chose avec les psychotropes et tous ces traitements psychiatriques. Ma mère est schizophrène et ne sera plus jamais la même. Elle est dans son monde. C'est aussi une drogue. Ben oui. C'est-à-dire, au niveau des neurologues, des psychiatres, ils vont dire, ben, vaut mieux choisir le moindre mal. Fait qu'ils vont bourrer certaines personnes d'antipsychotiques, puis ils vont dire, bon, moi, elle fait plus de psychose. Mais oui, mais la personne est tout enflée. Elle a, tu sais, je l'ai vu, là, souvent, ce que ça fait, ces affaires-là. La personne, ça détruit ses reins, ça donne le diabète, il développe des diabètes, et il meurt bien plus jeune. Donc, bon. Les artistes qui chantent la liberté et qui sont rendus à leur quatrième danse. Cinquième, je pense que c'est la cinquième. Ben, moi. Ben, je connais le préposé aux bénéficiaires. Elle dit, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais on a beaucoup de chutes ces temps-ci. Elle dit, on dirait qu'ils ont les jambes mortes, puis ils tombent. Puis elle qui assiste à ça, puis qui voit ça, est allée chercher sa cinquième. OK. Tu l'as dans la face, puis OK, bon, ben, parfait, ben, mec, t'as les jambes mortes, tu tomberas, on te ramassera. D'autres voient leur originalité naïve et leur confiance comme une forme de supériorité sur les autres. J'ai en tête quelqu'un comme Catherine Doriot, je sais pas c'est qui. Mais oui, moi, c'est ce que je trouve insupportable de ces milieux-là. Tu sais, la madame, que son mari est médecin, puis elle, avec l'argent de son mari, elle s'impose dans l'artistique, comme les arts visuels. Là. Moi, j'ai exposé à Paris. Ben oui, dans le fond, elle a pris l'argent de son mari, est allée à Paris, puis elle a loué une place. Puis après, elle a dit au monde, dans les expositions, dit, moi, j'ai exposé à Paris. Je m'en souviens d'une ici. Je me rappelle, elle, dans les expositions, elle disait, elle demandait au personnel qui servait les boissons, dit, je voudrais un martini avec olive, puis là, elle buvait ça avec son petit doigt dans les airs. C'est du monde souvent qui ont une culture générale assez faible, puis pourtant, c'est comme si on avait affaire à des gens extraordinaires. Bon, ben, mauvaise nouvelle pour vous autres, un vrai martini, on ne met pas d'olive là-dedans. Désolé. Puis, le petit doigt dans les airs, là, depuis un méchant bout de temps, c'est vu comme d'une façon d'être maniéré, puis c'est vu comme déplacé. C'est-à-dire que si vous faites ça pour attirer l'attention, il y a un problème. Moi, je trouve ça insupportable du monde de même. Puis souvent, en plus, ils sont insignifiants, ils n'ont jamais rien d'intéressant à dire. Ils sont super plates à discuter avec eux autres. En tout cas, ça me rappelle un petit peu Vous savez, moi, ma députée ici, là, elle se prend tellement pour un autre, puis elle a tout le temps été comme ça, qu'elle a de la misère à marcher. Elle a tellement le nez en l'air que c'est dangereux. En tout cas, l'air, plus c'est laid, plus ça plaît à la masse. On dirait, ben, la masse. Moi, je pense qu'on nous impose. C'est comme c'est quoi qu'il y avait à la télévision l'autre jour? J'étais avec du monde, puis il passait quelqu'un à la télé. Je pense que c'était Hubert Lenoir qui était là. Puis là, la personne avec qui j'étais a dit, ah, le monde, il l'aime. Puis tout le monde, son conditionnel l'aimait. Il n'a pas été choisi par le public, il est imposé, ce gars-là. Le monde qui embarque, puis qui se laisse, après, sont persuadés que, bon, c'est le public qui l'aime. Non, non, ça a été imposé au monde. Vous ne me ferez pas à croire que Safia Nolin, le monde l'aime tant que ça, là. Moi, je connais personne qui est fan de cette fille-là. Ben, faut dire que je suis loin de Montréal, là. En tout cas, j'ai remarqué que j'ai un grand respect pour l'humain. Je ne domine pas et je ne suis pas dominé. Mais câlisse, des fois, je suis brutal avec certaines personnes, comme si ma brutalité m'économise l'énergie. Ouais. Ben, vous savez, avoir un grand respect pour l'humain, ça porte des fois à l'haïr. Parce que l'humain, il ne se respecte pas tout le temps. Lui-même. On ne doit pas faire d'alors pour nourrir son ego. L'inspiration et le talent doivent être donnés aux autres. Moi, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ce que fait un artiste, ça appartient à la société. J'avais trouvé ça spécial. Mais du moins, c'est pas loin du communisme. Tu as parlé de la guerre de l'ADN. As-tu une idée sur le mode de fonctionnement de cela? Pas vraiment. Je mets les pieds dans tous les plats. J'ai été poussé à faire un test ADN et ma sang attaquait à ce niveau-là. Ah oui. Moi, je déconseillerais de donner votre ADN, que ce soit à des compagnies de généalogie ou peu importe. Parce que c'est des données, puis ça a énormément de valeur. Ça a énormément de valeur. Juste les données par rapport à votre activité sur Google, ça a de la valeur. Juste les données par rapport à vos transactions à la banque, ça a de la valeur pour des corporations. L'ultime information qui a de la valeur par rapport à vous, c'est votre ADN. Puis, bon. Fait que, puis l'affaire, la guerre de l'ADN, ça, c'est par constatation, puis par déduction que je le vois. De toute façon, on a affaire à des eugénistes. Eux autres, habituellement, ils vont employer le terme hygiéniste. Ils vont considérer qu'ils sont des hygiénistes sociaux. Bon, hein? Ben, bon. Mais l'inspiration existe. Il y a les compositeurs et les interprètes, deux choses différentes. Malheureusement, les plus grands créatifs travaillent en publicité souvent. Moi, ben, ça dépend, là, est-ce qu'on parle vraiment d'une vocation? Il y a des artistes que c'est des vocations. Donc, l'artiste que c'est une vocation de peindre ou d'écrire de la musique, qu'il ait du succès ou pas, qu'il réussisse ou pas, et souvent il va peindre pareil, puis ou il va composer pareil, parce que c'est une vocation, dans le sens que ça vient d'une voix à l'interne, si on peut dire. Pas une voix comme un schizophrène, mais une voix dans le sens, ben, c'est de là que vient vocation, c'est-à-dire que il y a la vocation. C'est comme dans le temps, là. Bon, c'est comme pour d'autres affaires. Mais bon, les gens qui sont en art, les artistes qu'on voit à la télévision, est-ce que c'est des gens qui ont vraiment la vocation? La plupart du temps, non. Comme dans le temps, les gens qui étaient en religion, la plupart n'avaient pas la vocation. Des gens qui étudient pour devenir médecin, la plupart, ils n'ont pas la vocation. C'est des vocations, ça. Je ne sais plus qu'est-ce que j'écoutais l'autre fois à la télévision. Il y a des gens qui parlaient le métier de médecin puis d'avocat. Puis j'en revenais pas parce que il me semble que c'était une avocate qui parlait. Puis je disais, voyons, c'est pas des métiers. Les professions libérales ne sont pas des métiers. Un avocat, il ne perçoit pas un salaire, il reçoit des honoraires. J'en reviens pas que le monde qui sort de l'université ne savent pas la différence. Ça m'enrage. Ça me choque. C'est pas pour rien qu'il y a des termes, puis bon. Ça se perd, ça. À un moment donné, on ne fera plus de différence entre. En tout cas, après, ils veulent qu'on respecte les castes, les notables, puis tout. Ils se respectent même plus eux-mêmes. Ils n'ont même plus une compréhension de. Bon, en tout cas. Quatre compagnies de généalogie existent. Ah, attendez, là, je n'ai manqué. Je me suis encore emporté. Quand quelque chose est populaire, je commence à me poser des questions. Ça dépend quoi. Quatre compagnies de généalogie existent, tous basés en Israël. Ben, tu as des compagnies de généalogie pas mal aussi en Utah. En Utah. Parce que les Mormons sont d'extraordinaires généalogistes. Puis souvent, mettons que vous cherchez, si vous avez des gens parents avec vous qui ont immigré aux États-Unis ou des ancêtres qui ont immigré aux États-Unis, c'est eux autres qui ont ça, qui ont les archives. Ils ont les archives sur toute la généalogie aux États-Unis, puis même dans le monde. Parce que les Mormons baptisent des morts. Oui, exactement. Une vocation, oui, c'est. Ben, dans ce temps-là, on pourrait même parler de programmation, donc c'est lié à l'âme. Donc, dans le cadre du projet. Poste secret, j'avais été marqué par un secret en particulier qui avait été envoyé par un artiste qui avouait qu'il avait toujours été bien plus intéressé à être un artiste qu'à produire de l'art en tant que tel. Ben, c'est comme le monde qui étudie en médecine pour se faire appeler docteur. Le but, c'est de se faire appeler docteur pour soigner du monde. C'est eux autres qui sont malades. Fait que bon. Hey Didier, avant de vous connaître, j'ai suivi pendant 2 ans en France une série canadienne, Tout sur moi. Oh, je ne l'ai jamais écoutée. Je me suis habitué à l'accent. J'ai pu ensuite vous comprendre totalement. C'est étrange ça, parce que les Québécois comprennent les accents de toute la francophonie. Vraiment, là. Puis pourtant. Ailleurs dans la francophonie, il y a de la difficulté à se comprendre entre eux. Les gens ont de la difficulté à comprendre entre eux. C'est quelque chose que j'ai de la difficulté à comprendre. Mais vraiment, il n'y a aucun accent. J'ai jamais entendu quelqu'un parler en français que je n'arrivais pas à comprendre. Puis bon, c'est sûr, des fois, les séries. Mais comme vous voyez, là, Tout sur moi, moi, je n'ai jamais écouté ça. Mais ça doit être trop récent. J'ai cessé d'écouter la télévision en 2005. Puis même là, je n'étais pas un assidu ben de la télévision. Tu fais le chialeux ce matin? Moyen. Ça dépend sur quoi. J'ai rigolé quand vous avez parlé de messages subliminaux à l'école avec votre prof. Vous pouvez parler de messages subliminaux un peu. Ouais, ben, quand j'étais enfant, sans le savoir, j'étudiais certains phénomènes qui m'intriguaient par curiosité, puis j'étais même pas au courant de c'était quoi des messages subliminaux. Pourtant, je comprenais que ça existait, au point de m'amuser avec ça. Puis oui, je m'amusais des fois mais les messages subliminaux, c'est juste que c'est les structures prépersonnelles de la personne qui vont capter l'information, puis ça va avoir un effet pareil. Mais c'est tout, c'est le seul. Ça a un effet. Mais c'est pas. Pour qu'une forme ait un effet sur un organisme, puis là on parle au-delà de l'organisme biologique, pour qu'une forme ait un effet, pas besoin que ça parvienne à la conscience. Même au niveau de certaines méthodes, moins c'est conscient, plus c'est fort. Puis ça, je l'ai vu par après avec la suggestion mentale. Quand vous imposez par suggestion mentale une pensée à quelqu'un, la personne est persuadée que la pensée vient d'elle. Elle pense vraiment que c'est elle qui pense ça, alors que c'est imposé par une technique. Puis finalement, ça m'a aidé plus tard à comprendre le phénomène de la pensée. Puis le fait qu'on s'identifie à nos pensées, qu'on pense que nos pensées viennent de nous. Puis ça, je l'ai vu par la suggestion mentale. Les gens qui sont suggestionnés sont persuadés que la pensée vient d'elle puis s'identifient à leur pensée. Peu importe, c'est vraiment étrange. Être un artiste, c'est pratiquement un fardeau, mais il faut l'accepter. Mais on ne vit pas toujours dans la même réalité que les autres quand on est en processus créatif. Ouais, ben dans le fond, on vit dans le même réel, mais pas dans la même réalité. Parce que c'est la perception qui change d'un individu à l'autre. Pas pour rien que les artistes sont souvent QS, désir d'être vu, ou si la vocation est sincère, manque de discernement, valorisant vers valorisation de l'émotivité, mépris pour la masse qu'il veut rééduquer. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis rendu, on m'a carrément dit, tout dans les arts visuels puis dans le domaine culturel, tu vas tout le temps te faire mettre des bâtons dans les roues, puis tu vas tout le temps être barré. J'avais dit, comment ça? Ben, il m'avait dit, ben, c'est idéologique, à cette heure, c'est politique beaucoup, puis t'es pas assez à gauche. Même à mes yeux, il m'avait carrément dit, à mes yeux, t'es un gars un petit peu extrême droite. Oh, ouais, moi, ça, je suis extrême. Heureusement, il n'a pas connu mon père. En tout cas, j'étais dans un party et quand j'ai discuté avec les gens, il m'est arrivé trois, quatre fois que j'aille parler d'un sujet ou que j'allais dire quelque chose, mais j'enlevais les mots de la bouche de la personne. Ouais, des mondanités, ouais. Moi. OK. C'est intéressant, ça. On voit ça, des phénomènes comme ça. En tout cas, par rapport là, au niveau de la discussion, là, des phénomènes. En tout cas, j'ai vu ça chez. Mais là, dans votre partie, la personne que vous allez dire quelque chose, mais j'enlevais les mots de la bouche de la personne. Des fois, c'est juste une affaire de personnalité. Il y a des personnes qui ont des personnalités, comment je pourrais dire ça, facile à lire. Puis si vous avez une sensibilité, puis des fois vous pouvez même dire quelque chose que la personne allait formuler. Puis même à un moment donné, vous allez vous rendre compte, vous êtes capable de formuler pour la personne même des choses qui ne sont pas encore formées dans sa pensée. Là, ça devient troublant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Des gens qui n'aiment pas ça. Puis, en tout cas, Bertel, merci pour la réponse. L'effet de s'intéresser à certains phénomènes peut-il les faire apparaître une forme de psychosomatique? Oui. Oui, c'est comme quelqu'un qui parle beaucoup des rêves, qui s'intéresse beaucoup aux rêves, vous allez rêver plus. Puis, on dirait que le phénomène se manifeste dans d'autres domaines. De se sentir connecté aux autres, c'est juste une forme de percevoir le réel, rien de plus. On est connecté aux autres. Qu'on le veuille ou pas, prenez comme des amibes dans un plat de pétri, ils baignent dans le même plasma. Même s'ils sont en compétition, même s'ils ont des rapports. Au fond, il y a le phénomène, ce que Charles Sabourin appellerait une cinquième dimension, c'est-à-dire l'âme, on est tous liés, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça aussi l'importance de la capacité à être territoriale au niveau de son psychisme. Parce que c'est souvent notre insu que. Bon. Catherine Dorion était la poétesse de QS. Ah ouais, je ne voudrais pas voir la. En tout cas. Ben. Catherine Dorion, moi, celle qui voulait aller siéger en t-shirt, là. QS, ça veut dire quoi? QS, ça veut dire Québec solidaire, pardon. Québec solitaire, solidaire. Moi, je me fais pogner à chaque fois. Ça, c'était un petit peu comme Marie-Chantal Toupin, là, quand vous vous mettez à l'appeler Marie-Chandaille Toupin, c'est dur après de ne pas se tromper. Mais Québec solidaire. Québec solidaire, ben donc, moi je considère que c'est notre parti communiste. C'est notre parti communiste. Québec solidaire, notre parti politique de gauche, moi j'ai plus à gauche que ça, tu tombes en bas de la table. En tout cas, ça fait un bout de son tombé. C'est pour ça qu'il se relève souvent. Bonjour Bertel, bonjour Christine. Le phénomène d'avoir une pensée, genre, il fait bien frette dehors dans la tête et 5 secondes plus tard, ta blonde dit à haute voix, il fait bien frette dehors, c'est quoi cette affaire-là? Ben, ça peut être juste un addon. Il y a aussi peut-être qu'il fait frette. Dans le sens que, bon, Dans le sens qu'on cherche à donner un sens, hein, aux choses. Des fois, c'est simplement banal. Mais si vous vous intéressez au phénomène de télépathie, moi, je vous suggère de vous intéresser à comment il s'appelle? Julian Okorowitz, qui a fait des travaux là-dessus. Puis, c'est parce que lui, ce qui est intéressant, il donne des exercices pratiques. Il donne des exercices pratiques, puis là, vous pouvez vérifier par vous-même. Puis là, ça va mieux pour observer les phénomènes, puis c'est plus facile après faire le discernement entre le phénomène réel et ce qui est fortuit. Marine, bon lapsus. Ouais, ben, Québec solidaire, je les ai tout le temps appelés Québec solitaire. Puis des fois, je me trompe, comme dans Marie Chandail Toupette. Moi, je l'appelais Marie Chandail tout plein, là. Ça s'en vient vieux. C'est comme, comment qu'il dit ça, Simon Predge, là, mystère et boule de conne. Je sais, c'est bien sûr, mais ça m'a fait ferrer. Ben non, je suis sûr que, bon, c'est une bonne personne, gentille et tout. Mais des fois, on est mal conseillé, puis on manque de discernement, puis bon. La communication, des fois, les artistes, des fois, oui, c'est des artistes, c'est bon. Mais au niveau de la communication, des fois, là, je passais tellement de temps avec un de mes amis à l'adolescence que parfois, après 1 heure de silence en auto, on se retournait en même temps pour dire la même chose. Ah, moi, c'est des phénomènes. Ben, c'est pas pour rien, par exemple, des gens enfermés longtemps ensemble à cause de des situations, des fois la guerre ou je sais pas, ils finissent par voir se manifester des phénomènes psychiques. C'était connu, ça, il y a longtemps, juste dans les tribus mongoles, il y avait les autres étaient au courant de ces choses-là. Il y avait certaines tribus mongoles où on faisait léviter des petites tables. C'est souvent par les enfants de la tribu, puis c'était lié à des phénomènes psychiques. C'est pour exercer justement une certaine. Comment je pourrais dire ça? Ben, comprendre les phénomènes de l'âme. C'est-à-dire, bon, mais c'est des choses. C'est difficile parce que ça prend la pratique, puis c'est circonstanciel souvent. On finit par se rendre compte des phénomènes comme ça. À force de vivre des phénomènes intuitifs, l'intention de vivre, c'est quoi le but de vivre ça? Quoi le but? Percevoir le double à travers le jeu de la vie. Vous savez, le but. L'être humain, il pense comme ça. Il cherche un sens, il cherche un but. Puis le but, des fois, c'est juste un mouvement. Le réel fonctionne pas comme ça. C'est comme si vous demandez intérieurement pourquoi les intelligences ont créé la vie, vous allez faire rire de vous autres. Dans le sens que c'est pas une affaire de motif ou de mobile, c'est l'être humain parce qu'il est psychologique qui pense comme ça. Parce que il risque. Il y a des choses qui se manifestent parce que c'est dans la nature de se manifester. C'est pas parce qu'il y a un but. Il n'y a pas un but. Bon, prenez. Bon. Il m'était venu un exemple, je l'ai perdu. Ces derniers temps, beaucoup de monde parle de la grande Tartarie, beaucoup des vidéos. Moi, ben vous savez, ça brosse en ce moment. Au niveau politique, puis on dirait qu'au niveau de l'âme collective, ça active des choses. Donc, vous savez, bon, l'histoire des Tartares, ces choses-là, c'est quand même intéressant. Vous savez, les Tartares, qui étaient des éleveurs de bœuf, ils prenaient des morceaux de viande au bœuf, sur le flanc des bœufs, sur les hanches des bœufs, puis après, ils faisaient une espèce de pommade, puis ils remettaient ça, puis ils attendaient que ça repousse. Il mange, puis il mange ça cru. Donc, bon, est-ce que je ramène tout à de la bouffe? Je devrais peut-être aller manger, là. De toute façon, ça va faire 1 heure, je vais devoir cesser. Ton feeling, Bertone, sur la fin de cycle, la fin de l'univers, l'apocalypse que nous vivons présentement. Moi, l'affaire de fin de cycle, c'est pas la fin de l'univers. D'ailleurs, si vous prenez la notion de cycle, la fin de cycle, ça veut dire c'est la fin d'un cycle, pas de ce qui englobe le cycle. Puis l'Apocalypse, il n'y a pas encore assez de révélations, je trouve, pour dire qu'on est vraiment. Mais bon, ça pourrait venir. Ça pourrait. Tu as parlé de l'électrification cellulaire, cela a un lien avec le corps éthérique. Oui, j'ai entendu une fois un lapsus d'un intervieweur de BDM l'appelant corps électrique. Ben oui, c'est lié au cellulaire. Vous savez, le corps vital, bon, ben, il y a quelque chose d'électrique à cause du cellulaire. Puis il y a un mental cellulaire. Puis il y a l'éther qui relie, c'est un phénomène interplanaire. L'éther, pour que la vie se manifeste dans des formes, par exemple des formes de vie, les premières formes de vie qui apparaissent dans ce qu'on pourrait appeler les débuts d'un monde balbutiant vont être des formes géométriques, comme des cristaux, qui vont avoir un mode de croissance qui rappelle un peu les végétaux. Après, vous regardez le plan cellulaire, c'est géométrique aussi. Puis même au niveau le cellulaire, comme la cellulose, le végétal. Bon, pour que le vivant se manifeste dans des formes comme ça, il faut qu'il y ait... C'est pour ça que, oui, il y a des champs électriques autour du vivant. Autour, prenez des plantes. C'est qu'on le veuille ou pas, il y a une activité, un début d'activité qui ressemble à de l'activité nerveuse. Notre système nerveux vient du végétal. Donc, bon, ben, à force de regarder ça, d'observer ça, ben, vous allez voir. Vous allez voir qu'il n'y a rien de fortuit. Puis oui, l'électrique puis le vivant, c'est lié. C'est même, bon, quand quelque chose est vivant, il y a nécessairement des phénomènes électriques. Puis surtout, un être très complexe, comme par exemple un mammifère, là, tout son système nerveux, tout. À chaque plus, le corps devient. C'est pour ça l'évolutif, l'évolutionnaire, pour faire des corps de plus en plus perfectionnés, pour que des plans de plus en plus élevés se manifestent. Donc, à un moment donné, bon, il y a le mental cellulaire. Après, il va apparaître des organismes un petit peu plus complexes. Là, il va avoir les intelligences viscérales. Intelligences viscérales qui nous viennent de certaines formes de vie rudimentaires, comme les vers. Les amibes, ces choses-là. L'intelligence viscérale, c'est le fait que votre foie, par exemple, est la deuxième plus grosse glande de votre corps après le cerveau. Et anciennement, on attribuait certaines choses au niveau psychique, on pensait que ça venait du foie. Et c'est pas si fou que ça. On va localiser la conscience psychologique dans le cerveau, alors que le cerveau lui-même prend place dans tout le corps par le système nerveux. Donc, ça devient, même les organes, les intelligences viscérales sont présentes dans tout le corps par le lymphatique, ces choses-là, comme le système vasculaire est présent aussi dans tout le corps. Donc, c'est ces lois-là. Là. Mais ça, c'était connu de tout temps. Là, je veux dire, si vous lisez certaines personnes de la Renaissance, vous allez vous rendre compte, ils sont au courant. En tout cas, c'est niaiseux, mais ça fait un bout que je me demande, ça me donne quoi de me conscientiser? Je me rends compte que j'ai été amené à ça, mais dans le fond, je m'en calais, je suis tanné de chercher des réponses. Mais c'est pas ça, se conscientiser. Chercher des réponses, ça n'a pas rapport, là. On ne parle pas du même phénomène. Je t'ai guéri de la conscience, Bertol, mais je t'écoute quand ma vibration fit avec la tienne. Moi, c'est parce que la conscientisation, c'est pas un processus de recherche. Ça se fait tout seul, c'est-à-dire quelqu'un qui se conscientise, il trouve. Puis c'est l'information qu'il trouve, dans le sens, c'est pas volontaire nécessairement. Donc ça dépend, là. Si votre conscience, je vais devoir laisser bientôt, je vais devoir aller déjeuner, c'est-à-dire me refaire un café puis fumer pendant 45 minutes. J'écoute. Bon, je vais réarrêter là, de fumer. Là. Plus tard. J'écoute de la conscience, Bertol, mais j'écoute quand ma vibration fait avec la tienne. Je sais pas, là. Ça dépend. C'est du cas par cas. Il faut falloir à un moment donné aller voir. Si votre conscientisation ne vous amène pas vers une vie plus saine avec moins d'illusions, c'est qu'il reste encore des choses à laisser. Entrer dans le réel, c'est du pain, pas voir des auras. Ouais, pas mal d'accord. Puis pain, vous pouvez dire du pain, vous pouvez faire un parallèle avec pain, de souffrance. La bile noire, pourquoi vous l'avez retirée? J'ai eu le temps, hein, de le lire. Bon, oui, ben la bile noire. La bile noire, c'est juste ce qu'il y a dans le fond des viscères. Puis, bon. J'ai tout par coq. C'est quoi donc? Vous savez, la bile noire, bon. C'est pas nécessairement. Je sais qu'il y en a qui font des liens entre la bile noire et des affaires. Comment il s'appelle lui? Hawkswalker. Hawkswalker qui nous parle de bile noire, les sangs noirs. Il mêle tout, là. En tout cas, juste visible, visitable et saine. Oui, ça, c'est de se conscientiser. Être conscient, c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire chier. Mais quand ça arrive parce qu'il n'y a pas le choix, ben bon. Mais ça dépend, là. La conscience, ça doit pas se forcer, c'est ça. Ben oui. De toute façon, vous allez être conscientisé de force, mais ça ne viendra pas de vous, le forçage. Ça faut pas. À un moment donné, André Moreau voulait faire imprimer du papier de toilette Jovialis, puis il disait, imaginez quelqu'un qui est constipé, puis là, tout d'un coup, il regarde son papier de toilette, puis dessus, c'est écrit, l'effort est signe de l'erreur. Moi, je trouve son idée pas pire parce que j'ai tout à trouver qu'il y avait des facultés laxatives, Moreau. Bonjour, Berthold et tous. Bonjour. Light of Mind 999. Oh, vous devez être française. Lionel, est-ce que BDM était un schizophrène intelligent? Ben, toujours là, je trouve que la question n'a pas de sens. Les schizophrènes ne sont pas inintelligents. La schizophrénie, ça ne vient pas d'un manque d'intelligence. Non. Non. Parce que Bernard de Montréal, c'était pas délirant. Il n'y avait pas de délire, c'était cohérent. Il y avait une cohérence. Puis ça a duré pendant 40 ans, plus de 40 ans. Puis les phénomènes étaient confirmés par des gens de son entourage. Puis pas, je parle des phénomènes très concrets, là. Donc non, ça n'a rien à voir. Ça devient facile à un moment donné de déclencher, bon, mélancolie, bile noire, Aristote, problème XXX, moi. Moi, ben, il y a peut-être, oui, il y a des liens entre les viscères et des états comme la neurasthénie, là. Bon, la neurasthénie, il n'y a plus personne qui emploie ces termes-là. En tout cas, bon, j'ai trop. J'ai un vocabulaire un petit peu trop ancien des fois, mais la mélancolie, au sens comme on l'entendait anciennement, puis aujourd'hui, on va parler de dépression, c'est pas tout à fait pareil. La mélancolie, c'est vraiment au sens d'une étude de l'âme. Qu'on en parlait. Puis bon, oui, il y a de quoi qu'il y ait au visseur, si vous voulez, sans retomber dans la théorie des humeurs. Je vais lire les derniers, puis je vais aller manger. Oups, problème. Ah oui, ah, j'ai pas vu. Il y a certainement des gens beaucoup plus conscientisés que BDM dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils passent pour un simple monsieur qui a l'air très pâle. Mais qui vit bien. Très plate, OK. Ouais, ben, je l'ai dit souvent, ça. Je l'ai dit souvent. Les livres qui ont de la valeur pour moi, j'en oublie tout. Ah, ben, c'est intéressant, ça. Dites-vous bien que ce qui est enregistré. Puis si au niveau mnésique, des fois, on a des lacunes, c'est enregistré pareil. C'est un peu comme si vous aviez une salle d'archives, mais des fois, on ne la retrouve pas. Au-dessus de la toilette chez un ami, un de mes amis, il y avait un slogan d'une pub disant « La puissance est en vos mains ». Ça fâchait les étudiants de gauche, c'était drôle. Ouais, je sais pas, là. Ben, moi, je trouve ça quasiment triste pour eux autres. Neurasthénie, ça vibre pour moi depuis peu. Ah, ben, merci, bon appétit. Ah, de rien, au sens illustré par Dürer. Ah, vous parlez la gravure. On voit l'âme au fond qui est assise, puis qui observe. Puis on voit, il y a un cercle avec une sphère, puis bon. Ah, au revoir Didier. Donc, bon, ben, au revoir à tous. J'espère que c'était pas trop pire. Je vais refaire aujourd'hui une petite vidéo vite fait pour mettre le lien de l'entretien avec David. Au revoir, merci d'écrisser de ce que tu as l'air avec tes paroles. C'est rafraîchissant. Bon, ben, de rien. Problème 30. Ah, je sais pas quoi. Yann, merci. Chan Yann, merci, merci. Au revoir, toujours un plaisir. Bon, ben, au revoir à tous. Au revoir, Chan Yann. Puis, l'oiseau manqueur, à plus. Bon, ben, au plaisir de te voir revenir. Même que tu sortes de punition, là. Je vais faire mon tarot supramental. OK. OK. Vous savez, il y a une plante très féculente qu'on appelle le tarot, là. C'est excellent pour la santé. Malheureusement, je ne peux pas faire pousser ça ici. Bonne journée, merci. Salut, bonne journée. Bon, ben, bonne journée à tous. Par là, le tarot, savez-vous, c'était juste un aide-mémoire dans le temps où le judaïsme était persécuté en Europe. C'était juste des images par rapport à la Torah. Tarot, Torah. Rotation. On fait les mêmes avec le tarot. On fait les nems avec le tarot. Ah, c'est quoi des nems? En tout cas. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Donc, bon, au revoir.